des grands feuilletons de France Culture. Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Joseph. Hein? Oui, Saint-Clair. Je pense qu'il est préférable de vous laisser entrer seul dans la chambre jaune. Oui, je vous remercie. Faites attention, Rouletabille, il fait très sombre. Voulez-vous que j'aille pousser les volets? Il n'y a qu'un mot à dire. Non, non, non, une seconde. Le drame s'est déroulé dans l'obscurité, non? Ah, oh, ben, pas sûr que non. Notre demoiselle Mathilde tenait beaucoup à avoir sa veilleuse sur la table de nuit. Et c'est moi qui m'en occupais. J'étais, comme qui dirait, sa femme de chambre, comme le soir. Et alors, la véritable femme de chambre? Ah, ben, on la voyait pas souvent. Elle ne venait guère que le matin, vu que mademoiselle Mathilde travaillait assez tard dans la nuit. Ah, la table de nuit était près du lit? Oh non, non, elle était même assez loin. Dites-moi, vous pourriez allumer la veilleuse, Père Jacques? Maintenant, sûrement pas. Et pourquoi donc? Eh bien, parce qu'elle est cassée. Elle est en miettes, la veilleuse. Ah. Et puis toute l'huile s'est répandue, voilà, c'est un beau cachet. Vous voulez vraiment pas que j'ouvre les volets? Vous verriez mieux. Non, non, non, attendez. Attendez encore un instant. Béral, Rouletabille, que faites-vous? Je ferme les fenêtres du laboratoire. Eh ben, c'est pour le coup qu'on voit plus rien. Une seconde, Père Jacques, une seconde. Ça va venir. Je gratte une allumette. Voilà. Voulez-vous maintenant aller ouvrir les volets de la chambre jaune avec cette allumette? Ah, pour une drôle d'idée, c'est une drôle d'idée. Je vous en prie. Enfin. Vite! Ouais. Et vous ferez bien attention de rien déranger, vu que c'est la consigne de Monsieur de Marquet. Et vous savez aussi bien que moi que quand les juges ont une idée... Oui, Père Jacques, ils n'en ont qu'une. Et en plus, ils y tiennent. Oui, mais faites attention aussi de ne pas laisser de traces. Oui. Ils ont l'habitude de celles qui existent déjà, mais si on leur en colle de nouvelles... Non, non, non, vous inquiétez pas. Bon, donc ici, c'est du plancher, rien que du plancher. Ah bah, les dames, ça rend quand même la pièce moins froide que le carrelage. Mm-hmm. Et mademoiselle Mathilde a mis tout de suite cette grande natte jaune là dans le coin. Oui, en effet. Voilà, alors c'est là que... Oui, c'est là que cette pauvre Mathilde a été blessée au front. Et au mur, tenez, la trace laissée par l'assassin. Cette main de sang sur le mur blanc. Ouais. Avec le recul, tout ce que nous voyons est horrible. C'est bouleversant. L'homme était ici, dans l'obscurité. Il croyait être adossé à la porte. Il a appuyé, appuyé, en laissant cette marque affreuse. C'est terriblement accusateur, ce dessin, non? Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Darzac? Sans doute. Et... regardez attentivement. Les doigts sont presque aussi longs les uns que les autres. Il ne manque que l'empreinte du pouce. Par contre, la paume est nettement indiquée. Hein. Ah, c'est ça. Hein? C'est ça. Mm-hmm. Regardez, Joseph. Si nous suivons cette trace de la main, on remarque que l'assassin cherche le bouton de porte, cherche à ouvrir. Il veut sortir. Oui, oui, seulement, il n'y a pas une seule goutte de sang sur la serrure ni le verrou. Votre imagination galope, Sinclair, m'a bien habitué à plus de bon sens. Oh, je vous demande bien pardon, Joseph. Qu'est-ce que ça prouve? C'est vrai. Ça prouve que l'assassin étant blessé à la main droite, il a très bien pu tirer le verrou et ouvrir la porte de la main gauche. Ah, vous êtes satisfait maintenant? Mais il a rien ouvert du tout, votre bandit. Il y avait le professeur Stangerson, votre serviteur et les deux Bernier quand on a enfoncé la porte. Observez cette trace. L'homme doit être un géant. Vous avez déjà vu une main pareille, vous? C'est un monstre, simplement un monstre. Un géant, environ 1m80, sans plus. Comment pouvez-vous être aussi sûr? Oh, bah, cher monsieur, tenez, la hauteur de la trace sur le mur. Oui. Ce que vous prenez pour une main gigantesque et monstrueuse, ce n'est qu'une main normale, mais qui a glissé. L'assassin a voulu s'essuyer la main, c'est ce qui explique l'agrandissement de la trace. Bon. Maintenant, à mon avis, en ce qui concerne la balle, elle est arrivée de face. Eh oui. Ni d'en haut, ni d'en bas. Voyons un peu la porte. Oui. En ce qui concerne la porte, tout est correct. Ben, vous vous donnez sacrément du mal, mon petit monsieur. Pierre Jacques, vous avez dit la vérité, la pure vérité, celle dont on dit qu'elle passe sa vie toute nue au fond d'un puits. Encore une idée à vous, ça. Non. Non, même pas, c'est une idée reçue. Et elle appartient à ce qu'on appelle la sagesse des nations. Et pour en revenir à notre sujet, je confirme que Mathilde Stangerson ne portait pas ce soir-là ses cheveux en bandeau. Et je ne suis qu'une buse. Oh, bon, une buse, tout de suite. Oh, franchement, alors là... Mais où allez-vous, Joseph? Oh, croyez bien que ça ne m'amuse absolument pas, mais je vais sous le lit. Ah, oh, bah tiens donc, sous le lit. Ouais. Et c'est là que le père Jacques vous dit que se tenait l'assassin. Aussi sûr qu'on est là tous les quatre. Et il y était à 10h quand je suis rentré pour fermer les volets et allumer la veilleuse de mademoiselle. Et si j'avais pu me figurer que... Et pourtant c'est indiscutable, père Jacques, puisque vous n'avez pas quitté le laboratoire depuis 6h. Oui, il est venu là-dessous. Eh oui, mais oui. Et il est sorti avec le matelas, dans le matelas. Mais tout est possible avec un mystère pareil. Dans leur émotion, leur trouble, le concierge et le professeur ne sont pas aperçus qu'ils transportaient Mathilde et son assassin. Ouais, ben voyons. Et puis si le concierge est complice, ben, je vous donne cette hypothèse pour ce qu'elle vaut. Oui, en donnez, j'en prie, mon cher, donnez. Non, je vous en prie, Joseph, ne raillez pas, je vous donne cette hypothèse parce qu'elle explique bien des choses, c'est tout. Et en tout cas, le fait de ne pas avoir trouvé de traces dans la chambre. Vous avez bien fait de donner cette hypothèse, car en valeur marchande... Il ne faut pas un franc. Oh. Ah ben si, vous me direz que le franc lui-même n'est pas très solide, alors. Bon, allez, soyons sérieux. Votre idée n'explique rien, Sinclair. Et ça, voyez-vous, c'est bête, parce que c'est justement l'idée de M. de Marquet, le juge d'instruction. Il est exact que M. de Marquet s'est arrêté quelques instants à cette idée de matelas, mais il a dû l'abandonner, elle devenait risible. D'autant que... le matelas n'est pas très épais, hein. Bien sûr. Bon, d'accord. Mon idée est stupide. Enfin, qui peut me répondre et me dire où, comment s'est fini l'absurde dans cette affaire? Pardon, excusez-moi. Oui. Père Jacques. À votre service, mon jeune monsieur. Je trouve que cette carpette a été bien remuée. Ah, elle a été remuée par nous. Ben, comment ça? Eh ben, par dit quand on n'a pas retrouvé l'assassin sous le lit. Même on peut dire qu'on l'a retrouvé nulle part. On s'est demandé un moment s'il n'y avait pas des trous dans le plancher. Ah, et il n'y en avait pas. Ah, ben vous avez vu comme nous. Ouais. Vous avez une cave? Ah non, il n'y a pas de cave. Mais c'est pour ça qu'il aurait pu arrêter les recherches de M. de Marquet et son greffier, là, Malène, là-bas, je sais plus... Non, M. Malène. Oui, c'est ça, Malène. Ils ont scruté chaque latte du plancher, mon vieux. Ah, comme s'il y avait une cave ou un creux sous. Et naturellement, ils n'ont rien trouvé. Ah non, mais... Il faut dire ce qu'il y a. Ils n'ont rien trouvé, les deux gars du parquet. Bien, eh bien, écoutez, abandonnons le parquet, hein. Enfin, je veux dire, le plancher. Bon, maintenant, regardons... Le plafond. Sinclair, vous êtes gentil. Oui. Tenez-moi la lampe. Alors, comme voilà. ça va? Voilà, c'est bien. Je ne voudrais pas vous offenser, monsieur Rouletabille, mais depuis que cette abominable affaire a eu lieu, bon, le père Jacques, le professeur Stangerson, malgré son chagrin, moi-même, le juge Marquet, monsieur Malène, tous, je dis bien tous, de façon plus ou moins intéressée, nous avons cherché à découvrir un indice qui nous permettrait de remonter à l'assassin. Je ne suis pas offensé le moins du monde, monsieur Darzac. Et le passage infructueux du juge et de son greffier dans la chambre jaune, je dirais même dans tout le pavillon, m'inciterait plutôt à persévérer. Mais vous oubliez que Frédéric Larsan poursuit également l'enquête et qu'il n'a rien trouvé. Ah, que vous êtes naïf. Mais Joseph... Me croyez-vous sincèrement que si Larsan a découvert quelque chose, il va venir nous le dire? Non, mais Sinclair... S'il a trouvé un indice, il le garde précieusement pour lui. Hein? Bon, allez, maintenant, le plafond. Voilà, rien au plafond. S'il vous plaît, Sinclair, plus haut la lampe. Oui, bon, d'accord, plus haut la lampe, je tiens la lampe. Mais laissez-moi vous dire une chose, mon cher Rouletabille, vous m'agacez. Oh, je vous agace. Oui, parfaitement, vous m'agacez. Vous laissez parler les gens, échafauder, tirer des plans, bâtir, et puis brusquement, avec un petit ricanement de satisfaction, vous détruisez tout. Alors ça m'agace, voilà, parce que c'est très désagréable. Maître Sinclair, mon cher ami, je vous demande infiniment pardon. Et je vous assure, quoi que vous en pensez, vous m'êtes très utile. Voilà, tenez plus haut la lampe. Oh. Vous voyez, vous êtes utile, voilà. Bon, allez, maintenant, à la table de toilette. Voyons un peu cette table de toilette. Bon. Et la table de nuit. Ouais. Bon. Père Jacques. Oui. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une seule armoire, même pas la moindre penderie dans cette chambre? Ah ben, mademoiselle Mathilde avait sa chambre et sa garde-robe au château. Ah. Ici, pour ainsi dire, en dehors de sa blouse et de ses affaires de toilette. Oui, assurément. Sinclair, voulez-vous me tenir la lampe très près? Je sais que ça. Très près. Je vais monter sur cette chaise et observer la trace de la deuxième balle. Voilà. Si vous pouvez la lampe à bout de bras. Oui. Là, c'est très bien. Voilà. Alors, elle vous apprend quelque chose, cette trace? C'est difficile à dire, monsieur Darzac. Croyez pourtant que je comprends fort bien votre désir de voir aboutir cette enquête. Ouais. Bon. La fenêtre, maintenant. Les volets sont intacts, ça j'en suis sûr. Mais, je sais, je sais. Et les barreaux sont à toute épreuve. N'est-ce pas, Père Jacques? Et croyez-vous qu'elle était bien enfermée? C'est quand même incroyable qu'on ait presque réussi à l'assassiner. Eh ben, n'empêche, j'ai gros cœur. Je pensais qu'on l'entendait appeler. Oh, c'est tir rageant, tout de même. Ah, je vous l'accorde, c'est rageant, d'autant que c'est vous qui aviez raison, Père Jacques, et qui continuez à avoir raison. Mais si mon sentiment est formel et j'en arrive à cette conclusion, au moment du crime, la chambre jaune était fermée comme un coffre-fort. Cher Rouletabille, vous pataugez dans le lieu commun. Merci. Vous vous roulez dans l'axiome. Enfin, merci. Nous sommes ici depuis plus d'un quart d'heure et vous nous annoncez froidement que la chambre jaune était hermétiquement fermée. En vérité, belle découverte, monsieur Rouletabille. Mais nous connaissions ce détail depuis déjà quelque temps. C'est d'ailleurs sur lui que viennent buter toutes les théories avancées jusqu'à maintenant. Eh bien, messieurs, vous avez eu tort de croire que je plaisantais. Il est très important d'être sûr de l'hermétisme de la chambre jaune. Et de fait, voilà bien pourquoi ce mystère est le plus surprenant que je connaisse. Car, même dans ce domaine de l'imagination, et Dieu sait si nos auteurs en font preuve, ils sont battus en brèche. Tenez, prenez par exemple le double assassinat de la rue Morgue. Allons bon, serait-il indiscret de vous demander ce que vient faire Edgar Allan Poe dans cette enquête? Hein? Non, rien, bien sûr, non, je citais cette nouvelle car même Edgar Poe n'a pas pu trouver une situation, ni poser un problème aussi insoluble que celui-ci. Dans sa nouvelle, le crime ne permettait pas à un homme de s'échapper. Alors, il faisait commettre ses assassinats par un singe. Artifice d'auteur, Sinclair, il a commencé par la fin en écrivant son histoire. Bon, d'accord, je vous l'accorde, mais ici, il ne saurait être question de la moindre ouverture. En effet, mon cher Sinclair. Mais enfin, finissons-en, monsieur. Mais écoutez, moi je crois qu'il faut avancer lentement, mais en étant certain que le chemin parcouru est bon. Maintenant, autorisez-moi à m'attarder encore quelques instants, monsieur Darzac. Je vous en prie. Ce temps qu'à votre avis je perds est en réalité des plus précieux. Ah. Bon. La porte et les volets, fermés comme ils l'étaient. Et la fenêtre, bien entendu. Mais dites-vous, mes bons messieurs, vous avez pratiquement 1000 doigts dedans. Une mouche n'aurait pas pu, et vous venez de le démontrer, entrer ni sortir de la chambre jaune. Eh ben, si c'était ça que vous vouliez prouver, chapeau. Vous n'êtes pas les premiers, bien sûr, mais quand même, faut le faire. Non, non, non, non, non, non, mais ne riez pas, père Jacques. En vérité, c'est un très grand et très beau mystère. Curieux, inexplicable. La bête du bon Dieu elle-même, si elle avait commis l'attentat, n'aurait pu s'enfuir. Tiens, tiens, écoutez, vous l'entendez? Ouïe, c'est les oreilles qu'il faut soigner, père Jacques. Vous avez des hallucinations auditives. Non. Là, elle est partie. Ah bon? Ouais, elle est partie, cette sale bête, mais il faudra que je la tue. Ah. Oh, elle est immonde et sinistre. Oui, et pourtant, elle va prier tous les soirs que Dieu fait sur la tombe de Sainte-Geneviève. Ah, vous pouvez être tranquille que personne n'ose y toucher à cette engeance. Le monde a bien trop peur que la mère à genoux jette un sort. Non, mais père Jacques, vous croyez encore à tout ça, mais c'est des folies, ce sont des foutaises. Ouais, bah, moi, on m'a toujours dit qu'il fallait jamais rigoler avec les jeteurs de sort. Bon, d'accord. Vous l'avez vu, à quoi ressemble-t-elle? Ah ben, attention, la minute, hein. Je l'ai aperçue, c'est tout. Ah. Et alors, c'est gros, c'est... Ah ben, c'est gros, c'est selon. À vue de nez, comme ça, je dirais qu'elle a la taille d'un bassin artésien. Mais rien n'empêche, c'est tout de même un monstre que je vous dis. Même que je me suis déjà demandé si c'était pas cette saleté de bestiole qui avait pris la pauvre demoiselle Mathilde à la gorge avec ses griffes. Oh, ben, bon, voilà des idées, écoutez. Ouais, oh, j'ai bien raison, mais... Oh, c'est tout ce qui branle-balle dans ma tête qui est plus très clair. Enfin, père Jacques, voyons, la bête du bon Dieu ne porte pas de grosses chaussures, ne tire pas de coups de revolver, ne peut pas laisser l'empreinte d'une main sur le mur. Et puis, bête ou homme, on l'aurait vu, hein, ne l'oublions pas. Non, en tout cas, moi, je sais, depuis que j'ai lu l'article du matin, je sais qu'il ne s'agit pas d'un animal. Non, il s'est déroulé dans cette chambre une effroyable tragédie. Et c'est la seule chose que je puisse affirmer. Monsieur Rouletabille a raison, une effroyable tragédie. Oui. Dites-moi, père Jacques, vous avez quand même oublié de nous parler de quelque chose. Ah, mais v'là qui va m'accuser de faire des cachotteries. Ah, bah v'là autre chose. Je peux vous dire que vous avez un certain front pour affirmer une chose pareille. Non, doucement, l'ami, doucement. Je vous accuse de rien. Je dis simplement que vous avez oublié quelque chose. Quoi donc? Le béret et le mouchoir. Ah, c'est vrai, ça. On a trouvé un mouchoir et un vieux béret. Oui, mais c'est pas moi qui les ai trouvés. Oh, c'est vrai, ça, bon, d'accord, j'étais là. Et je sais que monsieur le juge de Marquet et monsieur Malène ont inspecté des bricoles du genre que vous venez de citer. Je peux pas vous dire comment ils ont fait. Eh ben, moi, qui n'étais pas là, père Jacques, et qui n'ai pas pu voir ni le béret ni le mouchoir, je peux pratiquement vous dire comment ils sont faits. Ouais, mais vous êtes un petit malin, monsieur Rouletabille. Je l'ai vu tout de suite. Non, attendez, comment savez-vous? Bon, allez, ne nous faites pas languir, parlez, Joseph. Écoutez. Le mouchoir est un gros mouchoir bleu. Oui, c'est ça, bleu et à raies rouges. C'est vrai ça, bien Jacques? Oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors ça... Alors ça, c'est tout simplement de la magie. Ah ça, c'est stupéfiant. Et dites voir, et le béret, hein? Parlez-nous du béret. Le béret, c'est, je crois, Une très vieille chose du type basque. Un peu comme celui qui vous arrive de porter, Père Jacques. Ah, oh, mais c'est pas Dieu possible. Et vous êtes censé, mon jeune monsieur. Ah non, simplement observateur et patient. Et comment vous pouvez savoir que le mouchoir, il est bleu, avec des raies rouges, hein? Je vais sans doute vous faire sourire, mais si le mouchoir n'avait pas été bleu à raies rouges, on n'aurait pas trouvé de mouchoir du tout. Ah ben, voilà autre chose. Ah, voilà une idée. Sinclair? Oui, Joseph? Auriez-vous l'extrême gentillesse de bien vouloir me passer cette paire de ciseaux qui se trouve sur la table de nuit? Et tenez, trouvez-moi également une feuille de papier blanc. Peut-on vous demander ce que vous comptez faire? Une chose très simple, monsieur Darzac. Découpez cette empreinte de pas que vous voyez fort distinctement. Voilà, les ciseaux et le papier. Merci, Sinclair. Si je vais me livrer à un petit travail de découpage. Voilà. Comme ça. C'est bien. Encore quelques secondes de patience. Voilà. Ça y est. Alors, Père Jacques. Oui, ben, je vous écoute. Dernière petite question, si vous le voulez bien. Allez-y. Est-ce que Frédéric Larsan est toujours près de l'étang? Allez voir. Vous pouvez même dire qu'il n'en décolle pas. Est-ce que Frédéric Larsan est déjà venu travailler dans la chambre jaune? Oh, m'étonnerait. À ma connaissance, je ne crois pas. Mais attendez, je me souviens. Tiens, comme vient de vous le dire, monsieur Darzac, votre grand policier, oui. Il a prétendu qu'il n'avait pas besoin de voir la chambre jaune. Ah. Que l'assassin était sorti d'une façon tout à fait naturelle et qu'il s'en expliquerait ce soir. Oui, mon jeune monsieur, oui, ce soir. Et vous confirmez ces déclarations, monsieur Darzac? Enfin, ce que vient de dire le père Jacques? Ah, mot pour mot, ce sont les termes employés par Frédéric Larsan. Les déclarations de Frédéric Larsan. Ah oui, je suis formel. Est-ce que par hasard, mon subtil adversaire posséderait la vérité? Cette vérité que je poursuis, que je traque, que je ne fais que pressentir. Savez-vous, messieurs, que cet homme, Larsan, est très fort. Il est très fort, et pour ne rien vous cacher, je l'admire. Hein? Oui, sincèrement, je l'admire. Seulement aujourd'hui, il s'agit de faire nettement mieux que lui, et ça, il ne le sait pas. Oh, Joseph, la vanité vous perdra. Pas du tout, mon cher. Je sais ce que je vaux, et je sais ce qu'il vaut. Écoutez, j'ai toujours été un des premiers à reconnaître vos incomparables talents de journaliste. Merci, monsieur. On ne compte plus vos succès malgré votre jeunesse. Vous avez réussi à débrouiller un bon nombre d'énigmes où la police elle-même était prête à annoncer. C'est vrai. Mais vis-à-vis de Larsan, du grand Frédéric Larsan, reconnaissez que vous avez perdu, qu'il a été plus rapide que vous. Enfin, sans doute a-t-il trouvé l'explication du mystère, et vous pas. Eh bien, mon cher maître, quel étrange discours me tenez-vous là? Je ne vous reconnais plus, oui. Oh, ben, j'essayais tout simplement d'atténuer un peu votre déception. Un échec, ça n'est jamais très agréable. Mais qu'est-ce que tu racontes, un échec? Mais non, vous n'avez pas compris, mon bon Sinclair. Eh ben, expliquez-vous. Ah, quand j'ai dit qu'il s'agissait de faire mieux que Larsan, le policier, je voulais dire qu'il fallait oublier tout ce que nous a appris l'expérience pour ne plus nous préoccuper que d'une seule chose. Une seule chose? Oui, la logique. Je ne sais pas si vous découvrirez un jour le nom de ce bandit qui a voulu tuer notre demoiselle, mais en tout cas, vous parlez rudement bien, mon jeune monsieur. Merci, Père Jacques. Oui, non, mais revenons à nos moutons. Hein. Vous venez de dire la logique. Mm-hmm. La logique, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, nous avons procédé depuis le début avec méthode et logique. Alors, je ne comprends pas. Eh bien, à votre attention, mon cher Sinclair, je vais tâcher d'être clair. La logique, ça veut dire, dans mon esprit, être logique d'une façon immuable. Exactement comme le bon Dieu ou le mathématicien ont décidé une fois pour toutes que 2 et 2 feraient 4. Oui, mais 3 et 1 aussi font 4. Et 5 moins 1 également. Mais oui, mais ça, c'est pour démontrer éventuellement les diverses interprétations des faits. Non, quant à nous, nous nous en tiendrons rigoureusement au rituel 2 et 2. Hein? Bon, ce qui revient à dire... qu'il faut prendre la raison par le bon bout. Oui. Vous retombez encore une fois dans l'ambigu. Et qu'est-ce que c'est donc le bon bout de votre raison? Mais simplement ce que j'ai dit, rien d'autre. Vous pensez donc que notre enquête progresse? Mais c'est l'évidence même. Ah, Joseph, vous êtes arrivé au même résultat que Frédéric Larsan en utilisant des méthodes différentes. Lui en faisant sans arrêt le tour de l'étang et vous sans quitter le pavillon. Remarquable déduction, mon cher Watson. Oh oui, oh, bah, ça vous va bien, ça. Je vous conseille de vous moquer. Hein. Pour l'instant, je ne vois qu'une chose. C'est que vous êtes content de vous. Voilà, je dirais même très content de vous. Oui, en effet, sans en avoir l'air, j'ai découvert bien des choses. D'ordre moral ou matériel? Les deux, monsieur Darzac. Et en particulier ceci. Voyez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça, mon cher, c'est un cheveu blanc. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, cinquième épisode avec Rouletabille, Philippe Nico, Sinclair, Philippe de Rez, Darzac, Michel Rull, le père Jacques, André Weber. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 5 août 1983. En 1995, Francis Lacassin, pour son bon plaisir, nous éclairait sur la fameuse et énigmatique petite phrase. C'est une phrase de Georges Sand. Il l'a révélée longtemps après dans une dédicace à Germaine Beaumont, qui était une critique de roman policier. Il l'a révélée, il lui a dit, j'ai tiré ça de Georges Sand qui avait écrit « Le jardin n'a rien perdu de sa propreté ni de son éclat ». Et lui, il a mis de son charme. Et ben, vous savez, ça change toute la phrase. Le jardin n'a rien perdu de sa propreté, de son éclat. Le jardin n'a rien perdu de son charme ni de son éclat. C'est autre chose. Ça, c'est dans Le mystère de la chambre jaune, je pense. Et alors, pour en venir au veau? Alors, oui. Alors, il y a deux sortes de phrases donc, chez Gaston Leroux. Il y a les phrases poétiques, comme ça, qui sont destinées à envoûter. Qui sont souvent d'ailleurs en italique. Oui, les phrases sortilèges, mais les autres aussi. Et puis il y a des phrases qui dynamitent, si vous voulez, la logique. C'est des phrases explosives, pyromaniaques. Moi, j'ai dit pyromane. Enfin. Alors ça, se finir par se sentir chez les veaux, c'est la chose suivante. C'est un boucher qui, depuis des années, assomme et tue les veaux. Et alors, il y a un personnage qui est assez fantasque, et qui est Théophraste Longuet. Il lui dit, vous devrez vous méfier parce qu'un jour, ça finira par se savoir chez les veaux. Autrement dit, les veaux vont se révolter. Une aussi, pyromaniaque de Gaston Leroux, il dit, ce n'est pas une raison parce qu'on découpe une femme en morceaux et qu'on la met à brûler dans son poêle. Ce n'est pas une raison pour en être l'assassin. Ben évidemment. Alors, donc, si chaque fois qu'on met une femme à brûler dans son poêle, c'est parce qu'on l'a tuée, où irait-on ? Francis Lacassin, extrait de son bon plaisir au micro de Marion Thibault le 21 janvier 1995 sur France Culture. Vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger les 5 premiers épisodes du Mystère de la Chambre Jaune sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre.